et on est de retour sur Radio Cayenne. Et moi, je vais vous lire maintenant un texte que j'ai trouvé sur nantes.indymedia.org pour changer, qui s'appelle « Gardez les miettes, on prend le reste » et qui est un véritable coup de gueule qui m'a fait vraiment plaisir quand je l'ai lu, même si ça dénonce des conditions évidemment qui foutent les boules, hein, mais ça fait grave plaisir ce coup de gueule, donc je vous le relaye. Ce mardi 7 avril à midi, un tas de sandwichs triangles a été gerbé devant la préfecture de Haute-Garonne, accompagné du texte qui suit « Gardez les miettes, on prend le reste ». Face à la maladie et au confinement, on n'est pas égal. L'État ne fait rien sauf promettre des milliards pour les entreprises inutiles à notre survie, qui nous sucent le sang pour leur économie. Et comme toujours, ce sont les assos mal subventionnés, les collectifs de bénévoles et les militants-militantes solidaires qui s'auto-organisent pour mettre en place une solidarité efficace entre galériens-galériennes. Et pendant ce temps, la préfecture et la mairie n'en ont toujours rien à foutre qu'on crève la dalle seul dans notre coin. Les sandwichs triangles ne sont pas une base alimentaire. Tu prends ça pour 1, 2, 3, 4 repas, mais t'as toujours faim. Et c'est pas bon, et en plus, après tu vomis. La maladie touchera plus violemment les plus précaires et les plus isolés, c'est certain. Parce que l'accès aux soins, pour toutes et tous, est un mythe, tant que pouvoir se faire comprendre et comprendre ce qu'on nous dit dans les lieux d'accès aux soins n'est toujours pas pris en compte, tant que nos conditions de vie ne sont pas prises en compte pour se soigner. Parce qu'on renvoie de l'hôpital un malade qui ne pourra pas protéger ses proches pour la seule raison que ses conditions de vie ne le permettent pas. Et ça, c'est surtout parce que l'hôpital public et que les lieux d'accueil et de soins sont à l'abandon depuis bien longtemps, et qu'on n'a plus le temps pour prendre en compte les gens dans leur totalité. Rentabilité chérie. Quand chez soi les conditions sanitaires ne sont pas réunies pour se prémunir contre la maladie parce qu'on ne peut pas se laver les mains, parce qu'on partage nos espaces de vie avec beaucoup d'autres personnes, des très jeunes, des malades, des personnes âgées, parce qu'on n'a pas ou plus de ressources pour aller faire ses courses et que se nourrir devient un parcours du combattant à travers la ville, comment se protéger? La maladie ne nous touche pas de la même façon et qui s'en inquiète? L'OFI ne paye pas les allocations à tous les demandeurs heureuses d'asile. Les travailleuses précaires intérimaires sont dans la merde. Tomber malade ou gagner sa croûte et les factures qui continuent de tomber comme si de rien n'était. Trop de personnes sans ressources n'ont plus accès à rien. L'État n'en a rien à foutre des plus précaires, des personnes isolées, fragiles. Alors oui, on se débrouille. Des allers-retours, on en fait mille. On fait de la récup, on s'entraide, on squatte les baraques, on prend des risques parce qu'on n'attend pas que l'État fasse le taf. Et puis de toute manière, l'État, tout ce qu'il nous propose après des mois de galère, c'est du contrôle social. Qui veut bouffer des sandwichs triangles sur un lit de camp? Alors voilà la solution miracle face au corona. C'est l'état d'urgence sanitaire, le confinement et la répression. Et si t'essayes de t'y soustraire pour ta survie mentale et physique, ils te guettent avec des hélicos, des drones et mouchardent ton téléphone pour te faire la morale et te punir. Mais qui c'est qu'on punit encore une fois? C'est pas les gosses de riches. Elles, eux, sont tranquilles dans leur belle baraque avec jardin, une chambre pour chacun chacune. Ou bien ils se sont enfuis à la campagne dans leur maison secondaire ou de location. Elles ont les moyens de se payer des soins de qualité et de la bonne bouffe. Et pour le travail, c'est pas elles qui prennent des risques pour que le reste de la société survive. Et non, parce que les riches sont inutiles. Elles sont pas éboueurs-éboueuses, ni caissiers-caissières, ni travailleuses sociales, ni soignantes-soignants, ni conductrices. Pendant ce temps, dans les squats, on essaye encore et encore de remettre l'eau. Si elle est chaude, c'est du luxe. Et de pas faire cramer l'installation électrique et que chacun chacune puisse se faire à bouffer. Dans les campements, on tente de garder son coin viable. On cherche encore un accès à l'eau puisque la mairie a coupé toutes les fontaines. Faire les poubelles est encore plus risqué. Pendant ce temps, les gens qui vivent à la rue se cachent pour ne pas se manger une amende ou se faire gazer. Faire la manche est une vraie prise de risque. Les rares espaces de socialisation et de distribution se sont réduits à peau de chagrin et on cherche un coin pour faire ses besoins vu que les sanisettes ont été fermées et que les lieux d'accueil aussi. Pendant ce temps, dans les bars des cités, on essaye de respirer, de pas craquer, enfermé dans des apparts sans vue où t'entends chaque pas de ton voisin et quand on craque, qu'on va faire un tour dehors, faut esquiver les condés qui profitent de l'état d'urgence pour poursuivre leur rêve de matraquer toutes celles et ceux qui ne sont pas blanc-blanche. Elle est où la case « j'essaye de survivre » sur vos attestations de déplacement? Et puis on a reçu des tonnes de sandwichs triangles, en nous disant que quand on a faim, eh ben on les mange quand même. Ah merci. Et toi, monsieur le préfet, t'en manges combien par jour de ces sandwichs en ce moment? Non, juste comme ça, pour savoir si t'as déjà eu faim dans ta vie et que tu t'es dit, tiens, si je mangeais cette merde. Voilà ce que c'est l'état d'urgence sanitaire. Il révèle une fois de plus la violence du racisme d'État et du fossé qui sépare les classes. Que les miettes que vous nous filez ont un goût de fiel, que la répression c'est toujours pour les mêmes, et que l'autonomie et l'auto-organisation sont la seule solution pour assurer notre survie. T'as rien fait quand nos maisons brûlaient, alors pas de surprise, tu fais toujours rien quand la maladie nous atteint et nous décime. Alors on a pris ce qui nous traînait sous la main, pour vous rappeler que votre merde on n'en veut toujours pas, vos sandwichs triangles on n'en veut pas, votre mépris on vous le renvoie. Ce qu'on veut, c'est des conditions de vie dignes et en finir avec la chasse aux pauvres et aux non-blancs blanches.